Section 25 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e, section 25, Un financier du XVIe siècle par Édouard Drumont. Au fond du quartier Mouffetard, il existe une petite place, un renfoncement presque, qui se trouve à l'angle de la rue du Fer à Moulin et de la rue Scipion. L'herbe pousse entre les pavés, poussiéreuse et blanchâtre. Quelques arbres rachitiques, venus on ne sait comment, tendent leurs maigres branches vers le ciel, comme pour appeler un air moins affecté par les exhalaisons des tanneries et des posseries du voisinage. À droite de la place s'élève un grand bâtiment sans caractère. C'est la boulangerie générale des hôpitaux et des hospices civils de Paris. Entrez là, quoique l'extérieur n'ait rien d'engageant. Entrez là et vous ne verrez ni les lourds chariots chargés de farine, ni les fariniers empressés au travail. Vous serez tout à la surprise que donne la vue bien inattendue d'une muraille entière, œuvre originale et merveilleuse du XVIe siècle. Rien à Paris n'a d'analogie avec ce bijou architectural enfoui, inconnu et oublié. C'est une construction en pierre et en briques à deux étages. Le premier étage est percé de trois fenêtres. Dans le rez-de-chaussée s'ouvrent trois arcades basses et larges. Entre le rez-de-chaussée et le premier se trouve une série de médaillons en terre cuite qui se détachent sur le mur plein de relief et de vigueur. Ces médaillons, réduits à quatre maintenant, du cinquième il ne reste que l'empreinte dans l'épaisseur de la muraille, sont des têtes antiques, têtes de femmes et têtes de guerriers d'une admirable exécution. Le temps, par malheur, exerce là son œuvre destructive, et ces bustes qui s'émiettent et se crevassent chaque jour ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient il y a seulement quelques années. Le premier médaillon, en entrant, représente un guerrier cuirassé. Sur l'épaule droite retombe un pan de manteau ou un bout d'écharpe. La tête est nue, la barbe est longue. L'ensemble donne l'idée d'un général devenu philosophe ou d'un philosophe devenu général. Dans le deuxième médaillon, sourit d'un sourire grave et doux une femme à la tête intelligente, sérieuse et méditative. Deux nattes épaisses enserrent les cheveux. Une robe montante, hermétiquement close, laisse cependant s'accuser des formes sculpturales. C'est encore un guerrier qui figure dans le troisième médaillon. Mais le contraste avec le premier est frappant. La cuirasse, cette fois, est merveilleusement ouvragée, ciselée, fouillée. Sous le casque fermé par une gracieuse mentonnière, le visage apparaît distingué et jeune. À voir cette figure d'élégant fourvoyé dans les camps, on se souvient involontairement du mot de César à Pharsale, « Soldat, frappe au visage ». Même contraste entre la première tête de femme et celle du quatrième médaillon. Ici, le sourire est provoquant et railleur. Les épaules sont presque nues et la légère bandelette qui retient la robe, prête à tomber, n'est qu'une coquetterie de plus. L'ensemble est voluptueux et charmant. On ne trouve point, même en regardant avec attention, un nom à mettre sur ces bustes. On se rappelle qu'on est place Scipion. Et l'on se dit que peut-être l'artiste a voulu représenter la famille des Scipions dans cette série de bustes qui, sans doute, régnaient autrefois tout autour de la cour. Le guerrier à barbe serait peut-être Scipio Barbatus, le premier Scipion dont l'histoire fasse mention. Cela n'explique qu'incomplètement ce nom de Scipion évoqué tout à coup en pleine rue Mouffetard, devant les débris d'un hôtel du XVIe siècle. À l'angle droit du mur, nous trouvons bien un écusson de pierre entouré d'une couronne de chêne, mais nulle armoirie n'y figure. La pierre, fraîchement badigeonnée, est d'une entière blancheur. On dirait que c'est un mystère de plus dans cette mystérieuse demeure et que cet écusson anonyme ne sera rempli que lorsqu'un Oedipe aura deviné l'énigme des armes qu'il faut y mettre. On s'informe et l'on cherche encore quelques fragments du vieil hôtel, mais rien. Toutes les autres constructions sont modernes et banales. Quand le regard plonge sous les voûtes, il n'aperçoit que des sacs de blé ou des escaliers grossiers conduisant à des greniers. Cette muraille ressemble à une curieuse tapisserie d'autrefois, cachant une pièce démeublée et nue. En quittant l'hôtel, l'envie vous prend de savoir quelque chose sur le Scipion Sardini qui en fut le possesseur. Quelle fut sa vie? Quel rôle a-t-il rempli dans les événements de son temps? Par quelle suite, de quelles circonstances ce palais devint-il un hôpital? Les historiens de Paris sont, sinon muets, du moins très laconique à ce sujet. Sauval, Germain Brice, Pigagnol de la Force consacrent quelques mots seulement à l'hôpital et mentionnent à peine le nom de Sardini. Tout peut se résumer à ce que disent les dictionnaires. L'hôtel Sardini a été construit par Scipion Sardini, banquier italien venu en France sous le règne d'Henri III. On ne trouve chez les modernes que de vagues indications. M. Albert Lenoir, qui a gravé la façade de l'hôtel dans la statistique monumentale, ne fournit aucun renseignement sur celui qui fit construire cette élégante demeure. Seul M. Anatole de Montaiglon, le savant professeur de l'école des Chartes, a écrit sur l'hôtel Scipion deux articles très curieux dans la revue des Beaux-Arts. Nous n'avions pas connaissance de cette étude en commençant notre travail et nous l'eussions peut-être abandonné si M. de Montaiglon, avec la bonne grâce habituelle au véritable érudit, ne nous avait lui-même poussé à continuer. Nous ne regrettons pas d'avoir suivi ce conseil. L'absence presque absolue de renseignements sur un homme ou sur une époque est un attrait de plus pour ceux qui préfèrent aux détails donnés par le livre le détail conquis péniblement, laborieusement, fragment par fragment, dans les chroniques de l'époque et dans les témoignages contemporains, rapprochés, contrôlés les uns par les autres. La grande route est commode, sans aucun doute, mais le sentier qu'on s'ouvre à soi-même à travers les broussailles, à je ne sais quel charme particulier, dût-il ne pas conduire à grand-chose et, comme l'expérience, ne pas valoir ce qu'il a coûté. Voulez-vous, faisant un raisonnement semblable au nôtre et vous disant comme nous que le maître d'un pareil hôtel, financier célèbre à une époque où les financiers étaient tout-puissants, a dû jouer un rôle important dans l'histoire de notre pays. Voulez-vous nous accompagner à la découverte et voir s'il est possible de retrouver quelques pages de la vie de ce Scipion Sardini? Peut-être n'eut-il qu'un mérite, celui de posséder un bel hôtel. Mais au pis-aller, chemin faisant, nous rencontrerons en cette descente à l'enfer charmant du XVIe siècle bien des personnages familiers et des figures de connaissance. Scipion Sardini était toscan. Il se rattachait, paraît-il, à la grande famille des Interminelli, qui avait donné à la République de Luc son plus illustre citoyen, le fameux chef gibelin Castruccio Castracani. C'est de tout, d'après un passage de Tuana, qui se porte garant de cette origine. La vie de Castruccio Castracani, de Gli Interminelli, faite par Aldo Manucci, dit-il, est fort belle et tout autre que celle qui a été écrite par Machiavel. Cette vie mérite d'être curieusement recherchée. Je n'en ai jamais vu qu'une entre les mains du seigneur Scipion Sardini, qui descendait aussi d'un Interminelli et qui avait invité Manucci à faire cette vie. Je crois qu'elle est imprimée à Luc, in quarto, en italien. C'est une belle pièce. De tout se trompe vraisemblablement, car cette fille fut imprimée à Rome, in quarto, en 1590. Ces détails n'en sont pas moins intéressants pour fixer l'origine de Scipion Sardini, auquel les contemporains reprochaient volontiers d'être parti de très bas pour monter très haut, ainsi que le prouve l'épigramme suivante. qui modo Sardinie iam nunc sunt grandia sete, sic alit Italicos Gallia pisciculos. Quand Sardinie vint en France, l'heure était propice pour les ambitieux, pour les Italiens surtout. Henri II venait de tomber mortellement frappé par la lance de Montgomery, et Catherine de Médicis se préparait à jouer enfin un rôle. Le jour qu'elle avait attendu pendant 17 années était sinon arrivé, du moins proche. L'influence que Marie Stuart et les Guises exerçaient sur François II ne pouvait durer plus longtemps que la vie de cet enfant scrofuleux et languissant. Catherine avait nettement défendu à Ambroise Paré d'essayer l'opération de Trépan. Or, chacun pouvait prévoir le moment où Catherine, délivrée de l'Écossaise par la mort de son fils aîné, prendrait avec la régence le souverain pouvoir. En attendant, Catherine se préparait et dès lors, elle s'entourait de personnages nouveaux créés par elle. Des étrangers, des nobles sans fortune, des hommes sans scrupules exagérés, ministres tels que les aimaient ces petits tyrans italiens dont elle allait appliquer les maximes. Tout fait présumer que la fortune de Sardinie fut rapide. Dans cette cour des Valois, raffinée et sauvage, violente et polie, infâme et gracieuse, où les corruptions du bas-empire se mêlaient aux âpres instincts de long du Moyen-Âge, où l'intolérance religieuse s'alliait aux inventives débauches des contemporains de Pétrone, l'Italien gouvernait en maître absolu les plaisirs et les affaires. Insinuants et habiles, les Italiens venus à la suite de Catherine de Médicis avaient rapidement conquis partout d'importantes situations que justifiaient souvent de signaler service. La famille des Gondi devait jeter plus tard un vif éclat et donner un écrivain à la France. Un Strozzi, colonel général de l'infanterie, fut le bras droit du duc de Guise, le défenseur de Metz, et mourut à ses côtés au siège de Thionville. Un autre Strozzi, banquier à Lyon, avait avancé la dot de Catherine de Médicis. Sardinie possédait bien toutes les qualités de sa race. Il était de son temps, en outre, et n'était pas homme à hésiter devant un préjugé. Quelques grandes alliances lui étaient nécessaires pour faire oublier la rapidité de son élévation. Une jeune fille de la plus haute naissance, Isabelle de Limeuil, fille de Gilles de la Tour, de la maison des comtes d'Auvergne et de la branche de Turenne, parente par conséquent de Catherine de Médicis, note, on sait que Laurent de Médicis, père de Catherine de Médicis, épousa en 1513 Madeleine de la Tour, fille de Jean de la Tour d'Auvergne. Fin de la note. Venait d'être chassée de la cour à la suite d'une aventure scandaleuse. Sardinie l'épousa. L'aventure à laquelle nous faisons allusion est trop piquante et eut trop de retentissement pour que nous la passions sous silence. Catherine de Médicis, qui avait fait de l'amour un des ressorts de sa politique, savait ce que valait son escadron volant, comme elle le nommait. Cet essaim de jeune fille dont le maréchal de Castelnau nous a laissé une énumération enthousiaste. Elle comptait sur lui pour retenir au milieu des séductions de la cour les chefs protestants et avant tout Condé, le plus brillant et le plus redoutable d'entre eux. Ainsi, les amours du prince avec la charmante Isabelle de Limeuil étaient-elles tolérées fort complaisamment par la reine-mère? Malheureusement, les choses allèrent plus loin que ne le souhaitait sans doute Catherine, et au milieu du grand voyage que la cour entreprit dans le courant de l'année 1563, pendant une audience solennelle, Mademoiselle de Limeuil se trouva mal et accoucha d'un garçon. L'aventure produisit un scandale énorme. Les libelles plurent de tous côtés en ces temps où l'on riait encore du gros rire gaulois. Le laboureur rapporte dans ses mémoires un fragment satire fort injurieux pour la reine-mère. « Puella illa nobilis, qui tam erat amabilis, commissit adulterium et nu perfecit filium, sed dicunt matrem reginam illi fuis. » Et il ajouta bien « Et quod hoc patibatur, ut principem lucraretur. » Aussi, L'indignation de la reine-mère se manifesta-t-elle avec plus de sévérité qu'elle n'en montrait d'habitude pour ces sortes d'accidents. On s'en étonnera moins quand on saura que les choses n'avaient pas précisément tourné au gré de la reine et que Condé affichait chaque jour plus haut ses prétentions. Quoi qu'il en soit, Isabelle fut jetée en prison. Ce qu'elle devint, nul ne le sut d'abord, et cette lacune de l'histoire serait encore à combler sans la publication de documents fort curieux dus aux recherches de M. le duc d'Aumale. Isabelle fut accusée d'avoir voulu empoisonner un prince de sang, le prince de la Roche-sur-Yon, Charles de Bourbon, frère cadet du duc de Montpensier. Deux de ses membres les plus importants du conseil, les évêques de Limoges et de Poitiers, furent chargés de diriger l'instruction. Pendant une année entière, on traîna l'infortunée jeune fille de prison en prison jusqu'à ce que Catherine, cédant aux sollicitations qui lui étaient adressées de toutes parts et surtout voyant que ce procès ridicule ne pouvait fournir aucune arme contre Condé, eut compassion de la fragilité humaine et rendit la liberté à la prisonnière. Note : il a passé dernièrement dans une vente d'autographes un billet que Mademoiselle de Limeuil s'adressait à Condé du fond de sa prison. Rien n'est touchant comme le cri de tendresse de cette amoureuse d'autrefois qui aime avec l'ardeur de la religieuse portugaise et qui écrit avec le style et l'orthographe d'une cuisinière d'aujourd'hui. « Hélas, mon cœur, aie pitié de votre pauvre créature qui souffre tant pour vous avoir aimé plus que moi-même, vous assurant que mon affection ne me sera que plaisir. » Pourvu que vous ayez souvenance de moi et que je sois si heureuse que vous n'aimiez rien que moi. J'ai un si grand tourment dans mon esprit de la crainte que j'ai que mon absence me cause ce malheur de m'éloigner de votre bonne grâce, que cela me tourmente plus que tout le reste de mes fortunes. Pour l'honneur de Dieu, mon cœur, veuillez me secourir et me mettre en lieu où je n'ai plus à souffrir pour le reste de ma vie. Il faut, mon cœur, que vous écriviez à la reine en ma faveur, afin qu'elle ne me mette en lieu où fut prisonnière pour le reste de ma vie, et aussi, s'il vous plaît, faire une lettre à Monseigneur le maréchal de Bourdillon, afin qu'il parle pour moi en votre absence. Je vous écris cette lettre étant sur le chemin de Mâcon. Mais de là, je ne sais où l'on me mènera. Mon conducteur et un valet de chambre de la reine nommé Gentil, vous le connaissez bien, il m'a fait ce qu'il a pu de bon traitement. S'il m'est possible, je vous ferai savoir où je serai. Je n'espère qu'en Dieu et vous. Or, mon cœur, veuillez avoir pitié de moi, et ayez pitié de moi et de ceux qui vous touchent le plus et qui vous appartient aussi. Je sais que Mademoiselle de Saint-André est morte, de quoi je sens un mal si grand qu'il n'est possible de dire. Veuillez aider à sa pauvre mère, car je crois qu'elle aura bien besoin de votre aide et moi aussi. Et en cet endroit, je vous ferai très humble requête d'avoir pitié d'elle et de moi, et me tenez en votre bonne grâce et ne m'abandonne point. Vous baisant les mains très humblement, je prie Dieu, mon cœur, vous rendre aussi heureux et content que je désire. Mon cœur donne quelque argent à ce porteur pour sa peine et ne m'envoie réponse que par vos gants. Hélas, mon cœur, ayez pitié de celle qui vous aime plus que tout. Fin de la note. Isabelle de Limeuil était absoute, mais non pardonnée. La cour lui restait fermée. Pour y rentrer, il lui fallait le nom de mari. L'alliance, ou plutôt la mésalliance de la noble demoiselle avec le gentillâtre italien, s'explique suffisamment ainsi. À l'époque où il épousa Mademoiselle de Limeuil, Sardini était déjà fort riche et nous en trouvons la preuve dans Brantôme. Cette demoiselle, dit-il, pour être l'une des belles et des agréables de son temps, nonobstant l'abandon qu'elle avait fait de son corps à ce prince, ne laissa à trouver un parti d'un très riche homme, mais non de semblable maison, si bien que, se venant à reprocher l'un à l'autre les honneurs qu'ils étaient faits de s'être entremariés, elle, qui était d'un si grand lieu de l'avoir épousé, il lui fit réponse. Et moi, j'ai fait plus pour vous que vous pour moi, car je me suis déshonorée pour vous remettre votre honneur, voulant inférer par là que puisqu'elle avait perdu étant jeune fille, il le lui avait remis l'ayant prise pour femme. On le voit, le ménage du riche partisan et de la noble demoiselle n'était pas absolument à l'abri de toute dissension intestine. La fortune de Sardini allait du reste en grandissant toujours. Elle arrive à son apogée sous Henri III. Sardini, il n'en faut pas douter, était alors le plus opulent particulier et le premier financier du temps. C'est à ce moment qu'il fait construire dans le quartier Saint-Marcel cet hôtel que Sauval cite comme un des plus beaux de Paris. L'emplacement était fort pittoresque. Les bâtiments s'élevaient au milieu des vignes, des vergers et des champs en pleine culture qui s'étendaient sur les bords de la Bièvre, assez loin des remparts et dans une situation très isolée. Les maisons étaient rares aux alentours, ainsi que les édifices. À peine au-dessus des arbres voyait-on s'élever la tour de Saint-Marcel, le clocher de l'église Saint-Hippolyte, du couvent des Cordelières et les toits de quelques établissements du bourg Saint-Marceau, fermés de portes comme une ville indépendante. Il est permis de supposer, sans s'aventurer trop dans le domaine de la fantaisie, que Sardini n'avait pas choisi sans intention ce voisinage calme. Il préférait sans doute le bruit des cloches du couvent au choc des épées que les gentilshommes croisaient volontiers en sortant du Louvre dans les rues étroites qui s'enchevêtraient entre la rue Saint-Honoré et la Seine. Ces tumultes, parfois, risquaient de finir mal pour les manieurs d'argent, et Sardini trouvait plus sage de se tenir à distance. Quelque loin qu'il fût logé, il était sûr d'ailleurs de ne pas être oublié. Sardini, en effet, était l'ami, le familier du roi, l'indispensable de cette cour prodigue et besogneuse dont le grand souci était l'argent, ce diable d'argent, dit l'étoile, qu'on prétendait être trépassé et dont on fit l'épitaphe en vers. Quand Henri III, à bout de ressources d'imagination, ne savait plus comment établir de nouveaux impôts, il appelait Sardini à son aide et Sardini finissait toujours par inventer une nouvelle mesure fiscale dont il affirmait l'exploitation. Dans une très intéressante étude que M. de Boislille a publiée dans Les Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, sous ce titre « La sépulture des Valois », nous voyons Sardini se charger de la perception d'un impôt très impopulaire. Il passe un contrat avec le roi, par lequel il s'engage à fournir 240 000 écus, moyennant le prélèvement d'une rente annuelle de 20 000 écus sur le produit de la taxe des cabarets et hôtelleries. Une partie de la somme était destinée à l'achèvement de cette sépulture des Valois. Il paraît que Sardini ne mit guère d'empressement à fournir l'argent. Ce jour, lisons-nous dans les registres du plumitif de la Chambre des comptes, à la date du 6 février 1582, a été écrit à Scipio Sardini pour lui mander que la reine-mère de Sa Majesté se plaignait fort de ce que l'on expédiait ce qui concerne les frais des sépultures, ce qui ne se peut pas faire jusqu'à ce qu'il ait compté de l'administration qu'il y a eu tant de cabaretiers que de l'extension de la taille en chacune paroisse, d'autant que ce fait était fort recommandé par la dite dame. Sardini nous apprend M. Boislille, promis de compter et requis le 30 mars suivant l'enregistrement de son contrat. Mais comme il faisait entrer dans ce marché une créance énorme de 200 000 écus, avancée plus ou moins régulièrement au roi, la Chambre demanda des preuves, des vérifications, et finalement n'enregistra le contrat le 12 mai qu'avec des réserves et sur des charges peu faites pour activer la rentrée des fonds. Il fallut que la reine-mère insista à plusieurs reprises et usa d'une lettre de jution pour arracher à la Chambre de l'exprès commandement du roi un nouvel enregistrement, avec cette seule réserve que Sardini n'entendait vendre ni transporter aucune des dites rentes à qui que ce fût. Le contrat eut dès lors son exécution, si bien que l'affaire restait entre les mains de Sardini, jusqu'au temps où Henri IV l'a repris pour appliquer directement le produit des taxes aux dépenses de ces bâtiments. Ces difficultés, d'ailleurs, ne découragèrent pas Scipion Sardini. Ingénieux, il trouvait toujours matière à une taxe nouvelle. Entreprenant et hardi, le partisan avançait toujours quelque chose en échange de l'édit qui lui confiait la perception, le parti de cette taxe. C'est ainsi que fut publié en 1586 l'édit qui défendait aux procureurs de la cour et du Châtelet de faire exercice de leur état s'ils n'avaient pas pris de Sa Majesté ou de Scipion Sardini, qui en avait pris le parti, lettre de confirmation en payant 100 ou 200 écus de finance. Note, l'Étoile, journal de Henri III. Fin de la note. Sardini ne se contente point d'être le premier fermier du royaume. Il est encore le banquier du roi, du clergé, des seigneurs. Un jour, il prête à Henri III 500 000 écus, somme énorme pour ce temps. Bayle dit avoir lu le contrat passé entre messieurs du clergé de France et lui le 4 mars 1588 pour les offices de receveur alternatif et deux contrôleurs des décimes héréditaires en chacun diocèse de ce royaume et autres levées de deniers. Il y est qualifié noble homme Scipion Sardini, gentilhomme lucquois, demeurant en cette ville de Paris, paroisse Saint-Séverin. Note, cette pièce existe en effet à la Bibliothèque nationale. Fin de la note. L'orgueil du favori égalait sa puissance. L'indignation était vive contre lui au Parlement et dans la bourgeoisie, et sans la protection du roi, il eût pu expier chèrement sa fortune. L'Étoile nous renseigne très complètement à cet égard. Le 20 janvier 1587, le roi fit venir par devers lui, au Louvre, le président Lefort et d'Anguichien, procureur en la cour des aides. Les blâma aigrement de ce qu'ils avaient envoyé Sardini prisonnier à la conciergerie à cause que, de son autorité, il avait fait imprimer l'édit du Parlement de Paris, publié peu de jours auparavant en la dite cour, et fait mettre en l'arrêt de publicature qu'il avait été publié et registré. Et envoya Sa Majesté, le dit président, entouré du grand prévôt et de ses archers, retirer Sardini de la conciergerie et le lui ramener par la main au Louvre, et puis ordonna au pauvre président d'aller en sa maison, qui lui donna pour prison, et où il demeura 15 jours. Ainsi, Sardini faisait promulguer ses édits bursaux de sa propre autorité. Il se passait pour la levée des impôts de la sanction du Parlement, et un tel excès d'audace, loin d'être puni, était approuvé hautement par le roi, qui n'hésitait pas à arracher pendant 15 jours un président de la cour des aides de son fauteuil fleur d'Élysée pour avoir agi comme son devoir et sa conscience le lui commandait. Une telle politique explique suffisamment la journée des barricades qui eut lieu un an après. Une fois le roi en fuite et Paris soulevé, il n'y avait plus de sûreté pour Sardini dans la capitale, mais l'Italien ne s'était pas laissé prendre au dépourvu. Il semble qu'il eût étudié la vie, ou plutôt la mort, de tous les surintendants des finances, et qu'il ne se fût logé à l'extrémité de Paris que pour être plus loin des agitations vite soulevées autour des Halles, plus loin aussi de ces gibets de Montfaucon qui n'avaient pas encore oublié Semblançay. Prévoyant de longue main une catastrophe, Sardini avait pris ses mesures en conséquence, et depuis plusieurs années, ses trésors allaient secrètement s'accumuler dans les caves de sa belle maison de Blois. Note, cette maison existe encore rue du Puy-Châtel. Fin de la note. À l'abri d'un coup de main de la population parisienne. Quant à lui, non moins soucieux de sa propre sûreté, il avait pris la fuite dès les premiers symptômes d'agitation. N'était-il pas d'un sujet fidèle d'aller préparer le logis de Sa Majesté à Blois? N'était-il point surtout d'un homme habile de laisser Paris livré à toutes les séditions pour se retirer en province où désormais devaient se résoudre toutes les questions par la politique ou par les armes? Quel fut le rôle joué par Sardini en province? Sans doute, il eut quelque importance encore au début. Les gens de finance de ce temps se tenaient d'habitude par la main, tout en mettant leurs enjeux sur des cartes différentes et en s'appuyant sur les hommes de force de partis contraires. De Blois, Sardinie pouvait correspondre avec les Strozzi de Lyon ou avec les descendants de ce richissime François Grolot qui envoya en une seule fois au duc de Guise, au moment du siège de Metz, 700 000 écus d'or. De la maison de la rue du Puy-Château à la curieuse maison de Grolot, que l'on voit encore à Orléans, la distance n'était point considérable. Ce fut peut-être en allant s'entendre avec quelques millionnaires chassés de Paris par l'émeute que Scipion fut enlevé sur la Loire par les frères Saint-Offange, qui ne le délivrèrent que moyennant un rançon de 6 000 écus d'or et la liberté d'un des leurs, prieur de Saint-Rémy. Qu'étaient les Saint-Offange ? Monsieur Pavy, qui a consacré à cette famille une étude très approfondie dans la revue de l'Anjou, ne serait pas éloigné d'en faire des saints. Monsieur Grégoire, dans la Ligue en Bretagne, les traite comme de vulgaires bandits. Il est probable que la vérité, comme toujours, est dans le juste milieu. Les trois Saint-Offange, Arthur, Amaury et François, étaient fils de René Frogard, dame noble de l'Anjou, et de René Saint-Offange, seigneur de l'Espéronnière et de la Frappinière, un nom qui sent à lui seul la bataille et qui retentit avec le bruit des rapières dégainées au soleil. Ils représentent assez bien, avec leur bravoure et leur brutalité, cette noblesse encore un peu âpre qui commençait déjà à s'habituer à l'autorité royale sous Henri II, mais qui, dans le désarroi général qui suivit la Ligue, crut le temps de la féodalité revenu et s'en donna à cœur joie d'escarmoucher et de se battre. Dès que le poignard de Jacques Clément eut coupé les dernières entraves qui les rattachaient à la royauté, ils rêvèrent, dit très justement M. Vincent Paville, la guerre du Moyen-Âge avec ses surprises, ses rencontres, ses coups de main et ses embuscades. Ce furent comme des compagnons de Jéhu d'une autre époque. M. Victor Pavy, qui s'était enthousiasmé pour ses héros, les disculpe avec des raisons qui ne semblent point mauvaises, de s'être jeté uniquement dans la Ligue pour obtenir l'impunité de l'attaque à main armée commise sur Scipion Sardini. Un Scipion Sardini, d'une grande famille de Luc, écrit-il, qui descendait la Loire, ayant été pillé et rançonné par les Saint-Offange, ils auraient dès ce moment fait volte-face et cherché dans les bras de l'Union l'impunité de leurs crimes. La capture est flagrante, mais le crime l'est moins. Qu'était ce Scipion Sardini ? Un étranger, un partisan enrôlé par le comte de Soissons dans les intérêts de la cause royale et dont l'apparition sur le théâtre de nos troubles n'avait rien de bien rassurant. Comment pris ? En pleine paix ? Contre tout droit des gens ? Ou sous les bénéfices terribles de la guerre ? Et pour appoint aux 10 000 écus de rançon, somme honnête il est vrai, mais qualifiée de médiocre par les contemporains, eu égard à la bourse du personnage, quelles conditions ? L'échange avec le prisonnier de l'un des deux frères Saint-Offange ? Qui ne comprend que, dès ce moment, l'attitude de ceux qu'on voudrait présenter comme des détrousseurs de grand chemin fut nettement dessinée et qu'en pareille occurrence, Sardini, moins que tout autre, était un voyageur et un passant. Sans trouver la rançon tout à fait aussi honnête, il est impossible de ne point faire la part de la situation dans l'arrestation dont Sardini fut victime. Cet événement semble en tout cas avoir donné à réfléchir aux financiers et l'avoir détourné de se mêler de la politique active à une époque où toutes les violences étaient déchaînées et où les batailles allaient décider seules d'une crise que l'habileté de Catherine n'avait retardée pendant bien longtemps que pour la rendre plus terrible. Sardini d'ailleurs n'était plus jeune à cette époque. Il touchait à ses 60 ans et il éprouvait le besoin de jouir en paix de ses richesses. Après la fortune, les honneurs. Le Lucquois, tout gentilhomme qu'il fût dans son pays, n'avait pas de titre, et ce dut être souvent un cruel ennui pour le mari de la fière Isabelle de Limeuil. Il était écrit que Sardini n'aurait rien à désirer. Le château de Chaumont-sur-Loire, après avoir appartenu à Catherine de Médicis, puis à la duchesse de Valentinois, était devenu une propriété de la maison de la Tour, par le mariage de la fille de Diane de Poitiers avec le duc de Bouillon. À la fin du XVIe siècle, à la suite d'un partage entre les membres de la famille, Chaumont était tombé entre les mains de Nicolas l'Argentier, sieur de Vosmain et fermier général des Gabelles. Sardini revendiqua le château en vertu du droit de retrait lignagé qu'il exerçait du chef de sa femme, Isabelle de la Tour. Sans doute Sardini reprit ses fonctions de conseiller d'État au retour d'Henri IV, auprès duquel dut le servir le crédit de Detout, son ami. Il ne paraît pas néanmoins avoir retrouvé dans la nouvelle cour l'importance qu'il avait autrefois. Le nouveau roi aimait à faire sa besogne lui-même, et quand il avait besoin d'argent pour les affaires de l'État, il n'était pas embarrassé de haranguer lui-même son parlement en ce style familier et bonhomme que l'on sait, sans recourir à de coûteux intermédiaires. En tout cas, Zamet, seigneur de 1800 000 écus, ainsi qu'il se qualifiait lui-même, suffisait aux exigences imprévues. On peut donc, sans se tromper beaucoup, affirmer que Scipion Sardini passa les dernières années de son existence un peu à l'écart, allant du château de Chaumont à son élégant hôtel du quartier Saint-Marcel. Il aimait les livres, les éditions rares. C'est de tout qu'il nous l'apprend. Note. La bibliothèque Carnevalet possède un magnifique exemplaire de l'Hécatomiti ou Livre des 100 nouvelles de Cintio, in quarto, Venise, 1578, aux armes et devises du roi Henri III et portant la signature autographe de Scipion de Sardini, auquel le roi l'avait probablement donné. Fin de la note. Il avait pour les œuvres d'art le goût inné chez les hommes de son pays. La maison était hospitalière aux lettres, et c'est un grand lettré qui nous le dit. Baudius, le diplomate indiscret, le savant débauché, véritable bohème du XVIe siècle, qui trouvait chez Sardini la table, le logement et 600 livres de pension. La vie du vieux financier s'écoulait ainsi entre la conversation des gens d'esprit, la lecture des chefs-d'œuvre et la contemplation des belles choses dont il avait empli son hôtel. Le parvenu humilié par les grands seigneurs pouvait regarder tout autour de sa cour les bustes d'ancêtres qui remontaient au grand Caire punique et devant le premier Scipion dire comme Don Ruy Gomez de Silva à propos de Don Silvius « Celui-là, c'est l'aïeul, l'ancêtre, le grand homme. » Quand le mauvais temps empêchait la promenade dans les immenses jardins qui s'étendaient jusqu'à la Bièvre, il lui restait la galerie couverte que certainement formaient alors les arcades dont nous voyons les débris aujourd'hui. Et là, il se plaisait sans doute à s'entretenir avec de tout des événements auxquels il avait été mêlé, à lui donner des notes pour son histoire, ou à déviser avec Baudius des questions de littérature et d'art. Quelle est la date certaine de la mort de Scipion Sardini? Nous avouons être fort embarrassés pour résoudre cette question. Le plus mitif constate à la date du 23 octobre 1599 que Sardini n'avait pas encore rendu compte du parti des cabaretiers parce qu'il avait perdu ses papiers dans sa maison du Faubourg. Le 6 août 1609, Alexandre Sardini, vicomte de Buzançais, et Paul Sardini, seigneur de Jouy, déclarent qu'ils n'entendent pas céder de leur qualité d'héritier pour rendre compte de l'édit des cabaretiers. Scipion Sardini avait donc cessé de vivre en 1609. Le fait est certain, mais il est impossible d'indiquer dans quelles circonstances le célèbre financier était mort. Sans doute, il ne faut pas s'étonner outre mesure de ce mystère profond. Plus d'une de ces éclatantes fortunes de financiers s'est ainsi écroulée brusquement et, fondée tout à coup, s'est effondrée avec une rapidité égale. Le conquérant qui tue, le poète qui chante, la femme qui aime ont souvent une page au livre de l'histoire. Les gloires de la finance, parfois, n'y trouvent pas une ligne. Les millionnaires risquent d'être plus vite oubliés que certains malheureux illustres. Il semble que le monde se venge de les avoir courtisés, enviés, adulés vivants, en les effaçant de sa mémoire dès qu'ils sont morts, dès que leur main glacée est impuissante à tourner une clé dans la serrure d'un coffre-fort. En 1614 déjà, l'hôtel Sardini était transformé en hôpital. Les pauvres avaient pris possession de la demeure de ce riche. Voilà tout ce qui est certain. Cette transformation que quelques documents, l'histoire de Paris abrégée d'après Félibien, par exemple, paraîtrait placée quelques années plus tard, nous est positivement affirmée à cette date par une pièce reproduite par M. Édouard Fournier dans ses Variétés historiques et littéraires. La vraie pronostication de Maître Gonin pour les mal mariés, plate bourse et morfondu et le repentir. À Paris, chez Nicolas Alexandre, rue des Mathurins, 1615, in octavo. La pronostication de Maître Gonin nous montre les mendiants pourchassés et saisis à travers Paris par les sergents de l'hôtel Scipion. Un arrêt, daté, il est vrai, de 1659, témoigne qu'un soldat estropié, Michel Truffaut, fut condamné à la potence pour avoir, avec trois autres soldats, excité 8 séditions contre les archers de l'hôpital Sardini. Enfin, Pigagnol atteste qu'en 1636, l'hôtel Sardini était un hôpital et que, de son temps, 1742, la boulangerie générale était déjà installée là. C'est ici, écrit Pigagnol, que, par arrêt du Parlement du 15 septembre 1636, tous les prisonniers de la conciergerie, excepté ceux de la petite cour, les femmes et ceux qui étaient dans les cachots noirs, furent transférés à cause de la peste qui se fit sentir cette année dans Paris. C'est aussi dans cette maison que l'on distribue la viande pour les autres maisons qui, comme celle-ci, dépendent de l'hôpital général. Comment ce changement s'est-il opéré si promptement? La chose serait difficile à expliquer. Dès le commencement du XVIIe siècle, le nom de Sardini s'efface. Nous ne l'avons retrouvé qu'une seule fois dans les mémoires contemporains. Il est vrai qu'il reparaît à propos d'un bien mauvais tour. C'est Bassompierre qui fut la victime et c'est Bassompierre qui raconte le fait dans ses mémoires. En 1605, peu de jours après Pâques, Bassompierre laissa tomber dans le cabinet du roi un mouchoir qui contenait un billet de Mademoiselle d'Entragues. Sardini ramassa le mouchoir, le rendit à Bassompierre, qui se confondit en remerciements et envoya le billet au roi. Le roi, paraît-il, fut fort mécontent. Bassompierre provoqua de Gueuvre, qui se trouva mêlé à l'incident. Toute la cour fut en rumeur et le Louvre fut interdit à Bassompierre. Sans doute, il ne déplairait point de se représenter le vieux politique sortant de sa retraite pour se rendre au Louvre par une circonstance fortuite et trouvant le moyen de se jouer encore une fois des passions de ses contemporains. On le voit riant dans sa barbe blanche pendant que les courtisans s'agitent et se disant qu'après tout, les hommes sont toujours les mêmes. Mais il faut renoncer à cette hypothèse assez tentante. Le ramasseur de mouchoirs était vraisemblablement, nous l'avons prouvé par quelques lignes du plumitif, Alexandre Sardini, fils de Scipion. Ici, nous serions en plein inconnu. Nul ne parle de ce fils, excepté Guy Patin qui, dans une lettre adressée au médecin Sponce et datée du 18 janvier 1658, mentionne qu'il a connu ce fils et qu'il demeurait à l'hôtel de Soissons. Heureusement, le hasard, qui fait bien les choses quand il s'en mêle, nous fournit sur ce personnage un renseignement tout à fait inespéré. Qui n'a commis maintes fois cette bévue de poser une question en étant sûr d'avance d'une réponse négative? Ainsi, nous agissions en allant faire une dernière visite à l'hôtel Sardini avant d'écrire cette étude. Il ne reste donc rien? Pas de meubles? Pas de papier? Et cette interrogation vague était à coup sûr de la plus complète naïveté. Quelle apparence, en effet, qu'après tant de révolutions, il subsista quelques vestiges du passé dans cette demeure devenue de palais-hôpital et d'hôpital-boulangerie. « Ma foi, monsieur, me dit un employé, il y a bien là un vieux tableau, et dans le cabinet du directeur, il me montra un portrait accroché au mur. Dans l'angle gauche du portrait, on lit « Alexandre, comte de Sardini, seigneur de Chaumont-sur-Loire et d'état ordinaire, étatis, 73 ans. L'inscription complète a été coupée par quelques ouvriers malhabiles au moment du dernier entoilage, qui certainement a eu lieu il y a quelques années à peine. On a substitué un cadre à glace affreux et neuf au cadre de bois qui, probablement, tombait en poussière. Tel qu'il est, ce portrait est encore d'un réel intérêt. Le portrait, ainsi que la date l'indique, est celui d'un vieillard. La tête est couverte d'une calotte de velours noir. Les cheveux longs retombent sur les épaules. Le costume est des plus simples, relevé à peine en guise de passementerie, par des ferrets de diamants qui indiquent l'opulence discrète et peu désireuse de s'afficher. La physionomie générale est celle de beaucoup de portraits du XVIIe siècle. Portraits d'écrivains, de jansénistes, de commis de Fouquet ou de Colbert, qui tous se ressemblent par une vague similitude de type qui est comme l'air de famille des hommes d'un même siècle. L'œuvre en elle-même n'est certes point vulgaire, ni comme couleur, ni comme dessin. Le bas du tableau, il est vrai, gâté par des retouches maladroites, est d'une absolue médiocrité. La toile s'affaisse sans rien ne vive plus sous ses étoffes grossièrement peintes. L'ensemble manque d'air et la chose se comprend quand on réfléchit aux mutilations successives qu'a subi ce tableau, qui fut peut-être un portrait en pied. Mais la tête est pleine de lumière, d'expression et de vie. On retrouve dans cette tête la large et féconde manière dont les peintres d'autrefois comprenaient le portrait. Ils ne se contentaient point de rendre exactement les traits. Ils aspiraient à un idéal plus élevé. Ils poursuivaient une ressemblance moins matérielle. Ils cherchaient à surprendre l'âme même du personnage qui posait devant eux, à montrer sous l'enveloppe des chairs la pensée elle-même du modèle. C'est cette façon d'interpréter l'être humain qui explique l'irrésistible attraction que nous éprouvons devant certains portraits anciens. La ressemblance physique n'est plus pour nous qu'un détail accessoire, mais nous sentons que ces portraits d'ancêtres pensent encore, et nous nous arrêtons devant eux longtemps, comme pour épier au passage des idées qui roulent dans ces cerveaux méditatifs et puissants, comme pour lire dans les regards encore brillants le secret des temps disparus, comme pour recueillir l'étincelle vitale que l'artiste s'est efforcé de fixer sur la toile. Cela est si vrai que l'on s'hasarderait jusqu'à un certain point en examinant ce portrait, en le dévisageant en quelque sorte à reconstituer le caractère et l'existence même de celui qu'il représente. L'homme qui apparaît devant nous, après tant d'années, dans cette maison qui porte son nom, ne fut ni un guerrier, ni un politique de tempérament. Il ne jeta point l'or de son père à travers les fenêtres de tous les châteaux. Il n'aima passionnément ni le mal ni le bien. Il n'eut ni le noble détachement qui fait les prodigues, ni la force de résistance qui fait les avares. C'était un esprit très exact et très faible en même temps. Un être timide qui n'eût point su donner, mais qui se laissait prendre volontiers. Il était de la race de ces hommes qui consentent volontiers à être grugés, à la condition de tenir une comptabilité rigoureuse de ce qu'on leur vole. Jeune, il dut s'abandonner par inertie à la débauche, sans rien comprendre, jamais à l'amour. Vieillard, il était maniaque, hypochondriaque et méticuleux. Quoique la figure, par la forme du nez surtout, ait quelque analogie avec le type des Condé, un examen rapide suffit à éloigner l'idée que cet Alexandre Sardini puisse être le fils de Mademoiselle de Limeuil et du prince de Condé. Un homme d'une telle naissance, d'ailleurs, eût fait quelque bruit dans le monde, et l'histoire en eût entendu parler. C'est donc le fils légitime de Scipion Sardini, et cette conviction aide à fixer la date du portrait. L'accident de Mademoiselle de Limeuil se produisit en 1564. Elle fut retenue prisonnière plus d'une année, et en supposant même que Sardini l'ait épousée immédiatement après sa sortie de captivité, ce mariage n'eut guère plus avoir lieu avant 1566. Le fils de Sardini avait 73 ans à l'époque de ce portrait. Le portrait a donc été exécuté vraisemblablement entre 1640 et 1645. Comment ce portrait est-il là malgré tant de changements accomplis? Cette circonstance est faite pour surprendre. La date du portrait prouve que, lorsqu'il fut entrepris, Sardini n'était plus depuis bien longtemps propriétaire de l'hôtel. Cette date même rend bien invraisemblable la première hypothèse qui se présente à l'esprit. Il y avait à l'hôpital, que desservaient des religieuses de Sainte-Marthe, une chapelle où l'on célébrait la messe deux fois par semaine. Le fils de Scipion Sardini, s'il ne donna pas l'hôtel à l'hôpital, aurait pu le céder à des conditions peu onéreuses ou contribuer à l'édification de la chapelle par quelques dons ou quelques fondations pieuses. Et comme il arrive pour les bienfaiteurs dans les établissements religieux, on aurait placé le portrait dans la sacristie ou dans le lieu de réunion des administrateurs de l'hospice. Les régimes différents qui se sont succédés auraient respecté ce portrait, qui faisait en quelque sorte partie du mobilier et qui, de la sacristie ou du bureau des administrateurs, serait passé dans le cabinet du directeur, où l'on le voit encore actuellement. L'âge de 73 ans que le portrait a assigné à Sardini donne encore une fois bien de l'invraisemblance à cette supposition. On ne s'expliquerait guère que l'on eût attendu qu'Alexandre Sardini eût atteint une vieillesse aussi avancée pour placer son portrait dans cet hôtel qui était déjà un hôpital en 1614. Ce qui nous paraît le plus admissible, c'est que quelque directeur aura trouvé le portrait en question chez un brocanteur et l'aura acheté pour le suspendre dans cette maison qu'un Sardini avait bâtie. C'est ainsi que le nom du riche partisan, que tant de gens écrasés d'impôts ont maudit autrefois, que tant de courtisans ont salué jusqu'à terre alors qu'il entrait triomphant au Louvre sous Henri III, c'est ainsi que ce nom revit, comme par miracle, inscrit sur un portrait mutilé dans cet hôtel empli jadis des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Une fois de plus, éclate l'ironie des grandeurs humaines et le formidable enseignement de la fragilité des plus hautes fortunes. Cet enseignement, quand ce n'est pas Bossuet qui le formule sur le Sinaï de son éloquence, c'est un charretier qui vous le rappelle dans la naïveté de son ignorance. « Holà l'homme ! Vous crie-t-il, tandis que vous songez sur la place aux générations écoulées et que vous reconstruisez par l'imagination cette demeure d'autrefois devant laquelle s'arrêtaient les carrosses des seigneurs, les chevaux des gentilshommes, les mules des parlementaires. Holà l'homme ! Laissez-le passer, il a raison. On moud maintenant à la boulangerie générale 200 sacs de blé et l'on fabrique 25 000 kilos de pain par jour. Une telle besogne vaut bien des souvenirs. Un tel travail est plus utile que bien des rêveries. Fin de la section 25, lue par Agnès, Obi 2024.